Fabien, cette montre, c'était celle de mon père. T'as idée de ce qui lui en a coûté de me donner cette montre? Je te raconterai plus tard, mais il en a chié. Tous ces trucs-là, j'en avais rien à foutre, mais je te l'avais dit. Et j'avais bien insisté. N'oublie surtout pas cette montre! I'm sewing the flesh at the base of your penis back together. That's because I am. Butch, tu veux bien arrêter la télévision? Il est idiot! Oui, il y a quelqu'un qui vient te voir. Ne parle pas comme ça, ton chien, il est très gentil.